jardin de la délivrance nous ouvrira ses bras. Et si la route est longue, que le temps n'y est pas, je t'emmène avec moi. Si la peine est féconde, que la douleur nous boive, ne pêche jamais les bras. Et si la vie est dure, parfois prends ma main. Suis-moi, même si le risque est toujours là, je le prends avec toi. Et si la route est longue, que le temps n'y est pas, je t'emmène avec moi. Si la paix si la route est longue, que le temps n'y est pas, je t'emmène avec moi. Si la peine est féconde, que la douleur me boise, ne péché jamais pas. Même si la vie est dure, parfois prends ma main. Le jardin de la délivrance existe si l'on y croit, et j'y crois.